Je m'appelle Jean-Christophe Bailly. J'ai eu un parcours peut-être un peu particulier en sciences, en technique. J'ai fondé Ghostye, qui est une start-up qui s'est spécialisée d'abord dans le développement d'outils de programmation pour les robots. Le sujet qui m'intéresse principalement, scientifiquement, c'est un sujet qui s'appelle la robotique développementale. Alors, le point qui distingue... Alors, c'est dans la grande catégorie de la robotique, de l'intelligence artificielle, et fondamentalement, les gens qui font ça, et c'est de reproduire une intelligence artificielle au sens fort, hein, c'est-à-dire quelque chose qui... sans parler de test de Turing, sur lequel il y a énormément de débats, parce qu'en fait, tel qu'il est formulé, il ne couvre pas les vrais problèmes de l'intelligence tels qu'on a fini par les comprendre aujourd'hui. Mais donc, je parle pas de test de Turing, mais globalement, une intelligence qu'on s'accorderait à considérer comme comparable, ou peut-être supérieure, à celle d'un être humain. C'est ça le but, hein, c'est l'ambition scientifique. Avec une vraie volonté de comprendre comment ça marche. Et en ça, par exemple, ça va se distinguer d'approches purement neuromimétiques qui vont avoir pour objectif, finalement, de reproduire un cerveau artificiel, quitte, voire éventuellement même à ce qu'on ne le comprenne pas mieux qu'un cerveau réel. Alors, on imagine bien qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'on pourrait évidemment monitorer tout ce qui se passe avec le niveau de précision qu'on veut, ce qui est une grosse limite, évidemment, de... les neurosciences aujourd'hui, même si ça progresse de manière très spectaculaire aussi. L'idée, c'est... Alors là, maintenant, je parle plus précisément de mon point de vue, parce que même en robotique développementale, il y a des avis qui ne sont pas forcément ceux-là. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est de dire qu'il y a une façon de décrire le cerveau à un niveau d'abstraction qui est au moins un tout petit peu supérieur aux neurones. Et que donc ce que font les neurones, c'est un travail de traitement de l'information globalement, et que le cerveau est une machine à traiter de l'information, à transformer de l'information, et qu'il y a probablement une façon de décrire ce qui s'y passe au niveau informationnel. Et ensuite, on peut l'implémenter avec des neurones ou avec ce qu'on veut en fait. Évidemment, la biologie, la nature, a utilisé... les outils naturels de la biologie, c'est-à-dire des neurones. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien de fondamental. C'est évidemment un avis. Il se pourrait que la particularité du neurone en tant que tel soit absolument essentielle à quelque chose d'essentiel dans le cerveau qui fait qu'on est intelligent et que l'on a cette flexibilité. Il y a même des gens avec qui je ne suis absolument pas d'accord, mais bon... Pour être complet, il faut les citer, qui pensent qu'il peut y avoir une sorte de phénomène quantique au niveau du cerveau. Quand on sait la difficulté qu'on a à maintenir en cohérence quelques atomes dans un état de superposition quantique, imaginez que ça puisse avoir une réelle existence aussi dans un truc chaud, mou, pas du tout confiné comme le cerveau. Pourquoi pas ? Peut-être à coup de code correcteur d'erreur, des choses vraiment très très sophistiquées, je ne sais pas, mais ça me paraît en tout cas pas... dans une approche de rasoir d'Occam, la direction la plus simple à explorer a priori. Et d'ailleurs, si c'était vraiment le cas, on serait bien embêté, parce que ça veut dire que c'est une intelligence holistique qui est complètement liée à des neurones et avec des mécanismes quantiques hyper bizarres. Je ne sais pas trop dans quelle direction on pourrait aller pour essayer de le reproduire et essayer de comprendre et avancer dans l'IA. Donc, plutôt une approche qui se dit on peut décrire tout ça à un niveau fonctionnel, à un niveau... on comprend les processus qui se passent en termes d'échange d'informations et de construction d'informations. Et alors là, le problème, c'est d'essayer de faire en sorte que la machine apprenne et qu'elle soit capable d'apprendre sur une classe de problèmes extrêmement large. Et là, la différence, dont je reviens au point de départ de qu'est-ce que la robotique développementale, je crois qu'une différence clé, c'est de dire que par rapport à l'IA plus traditionnelle, qui va s'intéresser à du problem solving, j'essaie de jouer aux échecs, j'essaie de résoudre un problème de maths, ça c'est vraiment l'IA des années 70, où on se préoccupe d'un problème qu'un être humain, qu'un être intelligent est capable de résoudre après X années de maturation et de développement du cerveau, etc. Là, cette personne, par exemple, est capable de résoudre un problème très complexe et on essaie de modéliser ce problème pour qu'une machine soit capable de le résoudre plus vite, de manière plus exhaustive, etc. Ça, c'est l'IA classique et c'est pas du tout le positionnement, c'est presque l'ingénierie en réalité. Et c'est pas du tout le positionnement scientifique de la robotique développementale qui va se dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de développement par lequel mon système va aboutir à un état dans lequel il est capable de résoudre ces problèmes-là et bien d'autres encore. Et donc la question qu'on se pose en particulier, c'est de se demander les symboles, les concepts que le système va manipuler, qui sont bien définis quand on a un problème je dirais, de fin de parcours, là, les problèmes jeu d'échecs, etc. Les symboles sont définis parce qu'on les, nous on les connaît, et on peut les imposer au système, on peut le tordre pour lui donner la sémantique qui va bien. Mais comment faire si on ne veut pas aller directement à cette étape-là, qu'on veut que ça émerge dans un processus de développement, pour que les symboles, les concepts, les abstractions, les mots, tout ce que le système va développer comme conception, émergent et soient ce qu'on appelle ancrés dans l'environnement. Et en se posant toutes ces questions-là, la communauté scientifique est arrivée à un certain nombre de conclusions, dont le fait que l'intelligence, au sens où je viens de décrire, là, hein, c'est l'intelligence globale qui se développe, etc. Elle se développe forcément en interaction avec un environnement. C'est une intelligence qui est incarnée, et on va parler d'ancrage des symboles dans la perception. Ça, c'est le mot-clé, la thématique difficile que les gens dans la robotique développementale essaient d'aborder. Et conjointement à ça, il y a un certain nombre de gens. Donc voilà, et là aussi c'est le domaine qui m'intéresse en plus en particulier, qui s'intéresse à ce problème d'ancrage des symboles dans la perspective de l'apprentissage du langage. En se disant, bon, bah, le langage, est-ce que c'est un support de la pensée? Est-ce que la pensée se spécialise dans le langage, mais fait d'autres choses aussi? Savoir si c'est la poule ou l'œuf, enfin, qui est l'un avant l'autre, je pense que ce n'est pas forcément une bonne question, mais les deux en tout cas, la pensée, le raisonnement, la réflexion, la structuration des problèmes, de l'environnement autour de soi, etc. Il y a des parallèles très forts avec la structuration qu'on retrouve dans le langage, c'est des problèmes au moins couplés. Que donc une bonne façon d'aborder le développement dans la robotique développementale, ça pourrait bien être de partir du langage et de regarder justement le développement cognitif et le développement des capacités de langage d'un enfant. Et au passage, donc là, comme j'avais dit, le modèle archétypal, c'est l'enfant. Donc on s'intéresse à ce qui se passe dans les nouveau-nés, ce qui se passe quelques mois après la naissance, et puis après, dans une roadmap qui va là jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Enfin, jusque-là, on a énormément de choses. Et on va essayer de regarder comment le langage, voilà, évolue, quelles sont les premières choses que les enfants disent. Ils vont échanger des protophrases, des espèces de blocs de mots qui sont utilisés comme un seul et unique symbole. Puis après, ils vont commencer à segmenter ça, ils vont remplacer certaines parties de ces phrases par des espèces de jokers qui vont pouvoir instancier avec différents mots. Ah, voilà. Ça se passe vraiment dans la chronologie du développement du langage chez les enfants. Comment ils acquièrent un lexique, comment ils acquièrent des correspondances entre des mots et des objets ou des situations. Et essayer de réfléchir aux mécanismes fondamentaux qu'il y a derrière ça. Et on arrive avec ça, aujourd'hui, ça marche, et c'est bien documenté et bien compris, on arrive à avoir des agents, des robots, qui vont développer un lexique de mots pour décrire leur environnement proche. Et ils vont être capables de jouer entre eux à ce qu'on appelle des language games, des jeux de langage, qui ressemblent à des choses comme des devinettes, ou alors on a un des robots qui va regarder quelque chose dans l'environnement, va s'intéresser par exemple à un objet rouge un peu plus loin à droite, voilà, et va chercher dans sa catégorisation du monde à l'instant où il est en train de le faire, c'est-à-dire que c'est un processus dynamique, donc à un moment donné, il est à un certain stade de développement. Il va chercher un mot qui correspond à cet objet rouge, qui permettrait de le discriminer, de le pointer, mais verbalement, on va dire, dans la scène. Va prononcer ce mot, ça peut être n'importe quoi, Wapaku, Gagala, n'importe quoi. L'autre robot, l'autre agent, va entendre ce mot et va faire le chemin inverse. Il va se dire, dans mon lexique de mots que j'ai, est-ce qu'il y en a un qui ressemble à ça? Alors peut-être oui. Alors ce mot-là, moi, je l'avais associé à, par exemple, la couleur rouge, ou au fait que c'est un objet grand, ou qu'il est plutôt à gauche, ou n'importe quoi, en fait, qu'on peut ancrer dans la perception. Et va faire le chemin inverse, et à partir du mot, va rechercher par exemple une couleur, va aboutir du moins à une catégorie qui est une couleur, et ensuite va retourner regarder la scène, chercher par exemple un objet rouge. S'il en trouve un, il va pointer cet objet au premier robot qui avait prononcé ce mot. Et là, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. C'est-à-dire l'autre lui dit « Ah bah oui, c'était exactement ce dont je parlais ». Et là, il y a un succès qui va renforcer dans les deux agents l'association qu'il y a entre ce mot et les concepts abstraits qui ont été associés, donc la couleur, la forme, n'importe quoi. Et on rejoue une deuxième partie. Mais peut-être le coup d'après, le mot que va prononcer le premier agent, l'autre n'a jamais entendu. Donc il va être obligé de deviner ce que ça pourrait bien être d'intéressant dans la scène et de créer un premier lien entre ce nouveau mot et un nouveau concept. Ou alors peut-être qu'il l'a déjà entendu, mais dans un contexte différent où il l'avait deviné, il pensait que c'était ça désignait un objet grand, par exemple, et pas rouge. Et donc, du coup, quand il va entendre ce mot, il va chercher un objet grand. Et alors peut-être dans cette scène, il y avait un truc vachement grand qui n'était pas rouge, et c'est vers ça qu'il va pointer. L'autre va lui dire non, c'est pas ça que je voulais dire. Du coup, ils vont chacun à ce moment-là mettre à jour leur correspondance et l'autre va se dire bah, peut-être ce mot, il ne veut pas forcément dire grand. Je me suis peut-être trompé la première fois que j'ai essayé de deviner ce que ça voulait dire. Et donc, je vais réajuster ma représentation et on va rejouer, on rejoue plein de parties. Et au bout d'un moment, ces agents vont synchroniser un lexique qui est ancré dans l'environnement, c'est qui est lié aux particularités de l'environnement dans lequel ils sont. Ils vont parler de ce qu'il y a autour d'eux, de ce qui fait du sens. Enfin, ils vont créer des concepts qui permettent de bien catégoriser les différentes formes visuelles, par exemple, autour d'eux. Et donc, ils vont vraiment créer un lexique ancré dans l'environnement. Et non seulement dans l'environnement, mais également socialement ancré, puisque les catégories auxquelles les mots vont vers lesquelles les mots vont converger sont des catégories partagées. Parce que si à un moment donné, un des agents a une vision complètement différente et utilise des mots pour dire des choses complètement différentes, ils ne vont pas arrêter d'échouer dans leur jeu. Et l'échec va provoquer des mutations, des évolutions dans les représentations internes des deux agents. Et on est d'ailleurs dans une logique évolutionniste, c'est-à-dire qu'il y a de la croissance de représentations dans la tête de chaque agent, ils créent des nouveaux concepts à chaque fois qu'ils n'ont pas réussi à jouer correctement. Donc il y a une forme de génération aléatoire où on crée du contenu. Et puis il y a une force de sélection qui est le succès de communication, le fait que cet écosystème de mots, de sens qu'on a dans sa tête va permettre tout le monde de communiquer avec l'autre. Et donc il y a une sélection qui s'opère, comme une approche évolutionniste, et à la fin une convergence vers quelque chose de partagé. Donc ça c'est un exemple bien particulier sur les lexiques, mais qui montre bien un processus qu'on peut appliquer ensuite à d'autres choses. Une fois qu'on a ancré des lexiques, on va pouvoir commencer à entrer des proto-grammaires, on va pouvoir commencer à avancer sur certains sujets de grammaire, par exemple décrire qui est le sujet d'une action, qui est le destinataire d'une action. Et pour ça, on va avoir des problèmes d'ambiguïté. Donc il va falloir trouver une stratégie pour pouvoir lever cette ambiguïté. Si je veux communiquer et jouer à mon jeu de devinette où je décris que Paul pousse la balle, je vais utiliser une stratégie sur l'ordre des mots, où j'ai utilisé des préfixes devant les mots. Et alors là, on voit toute la richesse des langues, toutes les stratégies qui ont pu être inventées. Et donc on va avoir comme ça une exploration de stratégies de communication de plus en plus complexes pour décrire des situations de plus en plus complexes dans l'immédiat, dans le présent, que font les très jeunes enfants. Puis au bout d'un moment, ils commencent à parler de trucs qui ne sont pas forcément devant eux, qui se sont passés dans le passé, de choses dont ils ont envie, donc qui n'existent pas forcément encore, etc. Et là, on sent que les besoins de communication grandissent et les concepts cognitifs qui sont manipulés par l'enfant ou l'agent dans un robot sont de plus en plus sophistiqués. Donc le langage doit être de plus en plus complexe. Et on arrive, il y a besoin de plus d'outils pour jouer à ce jeu de la communication. Et on arrive progressivement, alors je dis on arrive, en fait on n'y arrive pas encore, mais on va vers des langues de plus en plus complexes, de plus en plus structurées, jusqu'à la représentation des intentions de l'autre et la capacité que j'ai de représenter les objectifs de l'autre dans une situation donnée, ses désirs, ses croyances. Ça apparemment c'est ce qui nous distinguerait des grands singes. Donc on est là sur des choses qui sont, parce qu'on peut s'intéresser au déclencheur qui fait que en tant qu'animaux on joue dans une cour à part. Donc c'est vachement intéressant de regarder la différence par exemple avec les grands singes. Mais bon, bref, donc on peut aller ensuite jusqu'à la représentation des intentions de l'autre, se créer un modèle de ce que l'autre veut. On va dans des situations sociales extrêmement riches et le langage qui va avec. Et là, du coup, dans ce que j'ai dit, on a une roadmap qui part de j'apprends des associations entre des mots et des concepts visuellement présents devant moi, etc., dans une logique sociale d'interaction avec un autre. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, c'est une interaction symétrique. Les deux agents sont équivalemment ignorants. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de langage à la base. On peut évidemment jouer un jeu comme ça où il y en a un qui a déjà un lexique très important et l'autre il n'a rien. Assez rapidement, ce qui se passe, c'est que celui qui n'a rien va adhérer, on va dire, va converger avec des variations mineures, mais va adhérer au lexique déjà existant. Donc ça, c'est le schéma d'un adulte qui parle à un enfant. Voilà, donc là, on peut imaginer, reconstruire comme ça toute une roadmap qui démarre de l'enfant et qui nous amène jusqu'à un individu qui discute de ses intentions, de ce qu'il a vu la semaine dernière, de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approches en IA qui proposent ça, qui proposent une roadmap où on se dit, bon, bah voilà, maintenant que j'ai fait ça, je fais quoi après? Bah là, il y a une proposition qui vient d'ailleurs en fait de la nature. On est évidemment assez traditionnel dans une approche scientifique. On observe un truc qui est l'évolution cognitive chez l'enfant. Et on propose un modèle qui est en fait une implémentation informatique dans un robot qui va rendre compte ou pas de cette évolution. Alors, avec évidemment le bémol qui est que c'est peut-être pas la seule façon de faire, que évidemment le modèle de développement cognitif de l'enfant et d'Homo sapiens c'est peut-être pas le seul imaginable, etc., etc. Bon, c'est juste que là c'est une piste qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être bien structurée et qui peut nous emmener quand même assez loin. Donc voilà pourquoi moi je la trouve assez intéressante. Voilà, c'est ça la robotique développementale, et on avance régulièrement sur ces questions-là. J'ai parlé du langage, mais il y a aussi des tas de choses sur la compréhension de son propre corps, la capacité à modéliser ses propres capacités motrices et sensorimotrices, qui ne sont pas du tout des choses innées chez l'enfant quand il fait des mouvements désordonnés avec ses bras, ses jambes au début. On pense assez probablement qu'il est en train de calibrer sa propre représentation de son corps, de l'espace, qui va même jusqu'à ensuite séparer son espace propre de l'espace auquel, quelles que soient les commandes moteurs qu'il peut envoyer, il n'y a jamais rien qui bouge. Donc c'est bizarre, c'est quelque chose qui est quand même assez singulièrement différent. Et donc il arrive comme ça à catégoriser l'environnement en un moi et un truc qui n'est pas moi. Et donc c'est vraiment, on part de très très bas. Hein. Essayer de se poser le moins. On retombe sur les débats classiques inné acquis, voilà, et on essaie de partir avec le moins d'inné possible. Et là, c'est diamétralement opposé à l'approche classique en IA, où on va carrément convoquer un expert pour lui faire sortir toute sa connaissance sur un domaine. Et là, on part, voilà, c'est diamétralement opposé. Mais c'est pas du tout, d'ailleurs, un jugement de valeur. Les deux approches sont utiles, importantes, nécessaires. Il y en a une qui va donner des applications à plus court terme. Celle dont je parlais, c'est une approche de recherche fondamentale. Voilà, on essaie de comprendre par quel mécanisme l'intelligence se développe. Et on est aussi convaincu que ce processus de développement est indispensable, c'est-à-dire qu'il fait partie de la solution. On ne peut pas... le résultat est finalement probablement tellement complexe, ça ne paraît pas évident qu'on puisse l'ingénérer. La seule façon d'aboutir au résultat, ça va être de générer, non pas le résultat, mais le processus par lequel on y arrive. Voilà, c'est un axe qui en tout cas me paraît assez excitant en intelligence artificielle. Pour résumer, c'est des robots incarnés dans un environnement avec des interactions sociales qui sont en fait l'outil finalement par lequel on va canaliser la création de représentations, puisque c'est l'outil de pression, de sélection, de communication. Ce que j'ai tout à l'heure, c'est la communication qui sélectionne les bonnes représentations. Il y a plein d'exemples qui abondent d'ailleurs, qui montrent que ça se passe comme ça dans les sociétés humaines. Donc une interaction sociale dans l'environnement, incarnée avec des robots et dans un processus dynamique d'évolution, souvent d'ailleurs évolutionniste, hein, au sens des réplicateurs et des généralisations de l'évolution, ce genre de choses. Voilà, donc on espère qu'on pourrait, par lequel on pourrait aboutir à une vraie intelligence. Lesquels on partagerait des repères culturels communs, parce que ça serait développé comme ça. Alors, très, très concrètement, un incrément, un progrès qui serait fait sur cette roadmap de développement, de robotique développementale ou développement cognitif, ça peut être quelque chose qu'on observe chez l'enfant. Dans les gens qui font de la psychologie cognitive, à un moment donné, l'enfant, il est capable d'arrêter de dire je en parlant d'une autre personne, et il est capable de différencier je, tu. Voilà. Et ce coup, ça apparaît dans le vocabulaire. Il y a des structures de langage qui apparaissent à un moment donné, brutalement, un jour, pouf, ça y est, il y a une structure de vocabulaire qui apparaît, une structure de grammaire ou une structure. Voilà. Et donc, en robotique, ça va être. Ben, on va essayer de construire des situations dans lesquelles la seule façon de communiquer, la seule façon d'avoir un vrai échange de communication, ça va être de parler de relations spatiales pour référencer les objets. Les grands, ils sont tous pareils, donc la seule façon de les distinguer, c'est leur position dans l'espace. Mais donc ça, on peut déjà faire des interactions. Et puis, idéalement, voilà, les robots ont développé des structures de langage pour parler de l'espace. Après, on peut rendre les choses un peu plus compliquées et faire en sorte qu'il faille, pour pouvoir vraiment parler de ça, prendre la perspective de l'autre. C'est à ta droite, c'est à ma gauche, etc. Ça aussi, c'est des milestones dans le développement cognitif de l'enfant qui apparaissent à une certaine date. Et donc, c'est vraiment un changement qualitatif. Et on peut s'intéresser à mettre les robots dans des situations comme ça pour tester ces sujets. Alors évidemment, ça ne va pas venir gratuitement. C'est-à-dire que si je veux qu'ils se mettent à parler d'espace, il va falloir que dans les outils cognitifs, c'est-à-dire cognitif, c'est l'appareillage de raisonnement, d'analogie, de représentation que le système peut avoir. Et il va falloir que je lui donne un certain nombre d'outils pour percevoir l'information spatiale. Si je veux qu'il s'amuse à faire des changements de perspective, il va falloir que je lui dote d'outils informatiques, que je programme des capacités de renversement de perspective, que j'introduise la notion d'espace avec un repère et ce genre de choses, qui sont autant de briques qui, très probablement, existent dans le cerveau des enfants, qui existent peut-être pas forcément à la naissance, mais qui maturent. Le cerveau, il grandit, il se développe, donc il y a une ontogénèse après la naissance, et donc qui vont se développer, et probablement, voilà, sont des briques fonctionnelles qui, à un moment donné, deviennent opérationnelles, et là, d'un seul coup, le gamin est capable d'avoir cette réflexion, d'affaire ce changement de perspective. Et donc, il est capable de jouer au jeu où c'est nécessaire d'avoir ça. Et nous, du coup, après, il est capable de développer des outils, enfin, pas des outils, des éléments de langage pour en parler. Donc voilà, donc on va s'intéresser à toutes ces ruptures qui sont assez bien cartographiées dans le développement de l'enfant. Et à chaque fois, on va essayer d'ajouter ce qu'il faut dans le système pour que ça puisse se passer. Et le type d'expérience sur l'acquisition de lexique, ça peut être aussi bien deux caméras, ça c'est l'expérience des Talking Heads qui a été faite chez Sony CSM justement, Luc Stills, Frédéric Kaplan, Pierre-Yves Houdayet, c'est tous des gens qui ont participé à ça et qui continuent à avancer sur ces sujets-là. Donc dans cette expérience, il y a deux caméras qui regardent un tableau blanc sur lequel il y a des formes de couleurs qui sont posées, et on les met un peu en vrac au hasard et ils discutent. Voilà. Et ensuite, on peut changer la position des formes et ils continuent à discuter. Alors, si on ne les change jamais, ils vont cristalliser un vocabulaire qui est très spécifique à la configuration de ces objets sur le tableau. Donc, si on veut une vraie richesse, il faut que ça change tout le temps. Et alors, à l'époque des Talking Heads, il y avait eu une expérience assez internationale où il y avait plusieurs endroits comme ça, où il y avait ce type de tableau, où ça pouvait être bougé par les gens, et c'était en open access. Et les robots, enfin c'était juste des caméras, mais les agents en fait du système pouvaient se téléporter dans telle ou telle caméra et se balader à longueur de temps dans les différentes installations. Et donc ils passaient leur temps à jouer à ces jeux de langage avec d'autres agents qu'ils n'avaient jamais vus, probablement. Il y en avait plusieurs milliers, je crois, en total. Et voilà, il y avait un brassage et une variété qui étaient importantes. Évidemment, à terme, les expériences les plus ambitieuses, c'est des expériences qui vont se donner pour Playground. D'ailleurs, c'est une expérience qui s'appelle Playground, qui est intéressante aussi d'ailleurs. Et qui vont se donner comme environnement, l'environnement le plus naturel possible. Donc, si possible, voilà, le labo, un salon, n'importe quoi. Mais bon, ça suppose qu'on est à ce moment-là doté, l'agent, le robot, de l'arsenal cognitif dont il va avoir besoin pour faire sens de tout ce qu'il voit autour de lui, au sens simplement catégorisation, extraction de formes, etc. Là, il y a encore, à mon avis, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Et même s'il y a eu des progrès importants récemment, il y a encore beaucoup de choses assez fondamentales à creuser. Ensuite, ces résultats, on peut aussi les comparer par des approches statistiques où on va mesurer la croissance du nombre de lexiques dans le vocabulaire au cours du temps, la moyenne. moyenne par agence, ce genre de choses. La vitesse de convergence, à partir de quel moment ils commencent à avoir je sais pas, plus de 90% de mots à peu près en commun, etc. Il y a une expérience aussi où on a, chez Sony d'ailleurs, on mélangeait, on va dire brutalement, deux populations d'agents qui avaient développé en leur sein des langages très différents. Puis là, on observe des sortes de créolisation, où on a une espèce de mélange entre les deux langues qui se crée. Donc il y a presque après... presque des sciences sociales ou humaines, enfin, qui peuvent intervenir pour essayer de comparer ce qu'on obtient avec ce qu'on connaît des populations humaines. Je sais pas, enfin voilà, c'est des... Mais après, on retombe sur les problèmes de, je sais pas moi, la thèse de Turing et ses limites, puisque justement, d'ailleurs, la thèse de Turing n'est pas incarnée. C'est un test, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est un test qui est, en principe, dans sa formulation, on est en chat, quoi. Donc on n'explore pas toute cette dimension incarnée, ancrée dans l'environnement social de l'intelligence, et c'est pas suffisant. Voilà. Donc, bon, mais si on définit la thèse de Turing plus large, vous saurez jamais que, enfin, on saura jamais qu'on a atteint un certain level, si ce n'est par la conviction que extérieurement, par le comportement du robot ou de l'agent, on a un niveau qualitatif qui est satisfaisant ou qui est comparable. Voilà, mais c'est difficile, voilà, de dire bon, très bien, on coche la case, ça c'est sûr, on a passé ce niveau-là, etc. Mais on a en tout cas des jalons qui nous guident dans l'ordre de complexité des problèmes qu'on doit résoudre. Voilà, ça, je pense que ça, c'est déjà très très important et très intéressant. Parce que très probablement, les différentes capacités cognitives et les capacités de langage des enfants, eh ben, elle se déroule dans un certain ordre pour une bonne partie d'entre elles, parce qu'il y a des dépendances, probablement. On a besoin d'avoir maîtrisé d'abord certaines choses avant d'être capable d'aborder l'autre chose. C'est pas toujours vrai, hein, voilà, il y a des choses qui peuvent s'inverser dans la roadmap cognitive. D'ailleurs, ça c'est aussi intéressant de l'observer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance entre deux capacités cognitives. Voilà. Tout ça, c'est des indices qu'on peut aller chercher dans la nature, en fait, hein, dans l'observation. De ce que on, bah des enfants, voilà, de ce qu'on peut observer aujourd'hui de plus intelligent. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de point central où on a des choses très très formalisées dans lesquelles on va pouvoir s'insérer et échanger. Mais il y a des efforts pour créer, par exemple, des plateformes communes de développement. Il y a l'exemple de iCub, qui est un robot qui a été développé dans une université en Italie et qui a ensuite été fabriqué en un certain nombre d'exemplaires. Qui est une plateforme qui ressemble en gros à un gros bébé. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le but, c'est de partir du bébé et d'avancer à partir de là. Donc c'est pas un hasard. Et qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de labos qui font la recherche en robotique développementale. Donc du coup, ben, ça fait un peu... on peut s'échanger des morceaux de comportement, des choses comme ça. Mais pour qu'on puisse imaginer avoir un labo qui fait... par exemple, qui débloque une étape dans la roadmap et immédiatement tout le monde après en bénéficie, etc., il faudrait qu'on ait un accord sur une espèce d'architecture cognitive bien délimitée, d'interfaçage. Alors, il y a des choses qui existent, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. On en est encore vraiment à une phase très, très amont de ces recherches où les choses sont faites de manière plutôt autonome par les différents labos et on compare au niveau qualitatif. On voit que certains problèmes ont été réglés, ça donne des idées, etc. Enfin, c'est plutôt ça. Il n'y a pas, par exemple, de plateforme centralisée à un endroit où tout le monde vient apporter sa brique. On pourrait, sans doute, on pourrait le souhaiter. Mais je pense que c'est encore un peu jeune. Et donc, il y a des gens qui ont des opinions très différentes. Bah, par exemple, ce que j'ai dit là, en partie, c'est des opinions à moi, c'est pas forcément... Voilà. Il y a des gens qui sont très réseau de neurones dans l'école de robotique développementale. Voilà, moi je vais être plutôt sur des approches, j'aime pas trop dire symboliques, parce que vous avez bien compris que c'est des symboles qui sont ancrés dans la perception, on est vraiment très proche des capteurs, mais je m'intéresse à un moment donné, j'ai représenté un certain espace de perception et je lui associe une unité conceptuelle, alors un symbole si on veut, et ensuite j'ai des outils de manipulation de symboles, voilà, mais. Donc rien que ça, par exemple, c'est des écoles différentes. C'est pas forcément évident ensuite de joindre les deux morceaux. Mais c'est pas très grave non plus, parce que Ce qui importe, c'est de voir les concepts et les idées qui marchent. Et ensuite, on peut les réimplémenter dans une approche ou dans une autre. Ça, c'est pas la partie la plus difficile en réalité. On n'est pas encore dans une logique finalement presque industrielle où on doit segmenter les différentes couches du système, avoir des acteurs qui se spécialisent sur certains trucs. On est des lumières de ça. Enfin, en tout cas sur le côté recherche. Maintenant sur le volet au jeu de la robotique, la robotique de service et les choses qui peuvent être faites chez Hostile, les barons, une société, c'est là il y a une vraie volonté d'aller vers des choses un peu plus formalisées, des capacités d'échange qui passent aussi d'ailleurs par des plateformes standardisées. Le robot Nao par exemple est utilisé dans beaucoup d'universités, donc il y a de facto aussi une standardisation qui se fait autour de cette plateforme et des outils qui vont avec. Ouais, mais c'est deux, pour l'instant encore, deux rythmes différents entre la recherche fondamentale et la volonté de développer une industrie robotique aujourd'hui, qui bien sûr, comme toute industrie, va avoir besoin de beaucoup plus de briques et de capacités de standards en fait. Voilà.